Yo. T'as reconnu l'instru? Big up à la FF. Bonne. Doncho. Écoute ça. Un texte, pas de soucis, je suis paré pour t'envoyer ça. Chez moi c'est devenu l'usine avec la paix du RSA. J'ai l'impression d'aimer ça, je suis loin des difficiles. Je viens de là où on grandit seul, viens faire un tour et tu visites l'ambiance. Qu'est-ce qu'elle est belle la France, j'ai un million de vues. C'est trop de balles, crois que j'ai une vie de palace. Vas-y nique leur race, non, il fallait bien que je le sorte. Des rimes fortes et toi, non, c'est pas la rage que je porte. Prose virale, d'une attitude pirate. Viens voir ma zup, elle ne fait pas de miracle. Grave, c'est le chantier mais sans briques. Des discrets aux indiques, inscrits au Pôle emploi. En attendant un petit smic, tout le monde devant son stick. Rien de fantastique, tout le monde devient tendu. Une forme de gymnastique, de l'herbe dans le plastique. Argument de leurs articles, ici c'est chacun ses règles. C'est pas une femme, elle arbitre. Du béton au bétail, l'odeur de la maillasse Beckham. Du ghetto à Guetta, cherche à remplir le bustam. On a tous une vie à faire, regarde et valide. Y'a mes gars sur le terrain mais pas au Real de Madrid. Faut que l'État, son équipe, leur coupe l'appétit. Un peu, oui, un salmon l'air dans leur spaghetti. Fini de jouer, j'ai compris, j'ai mis de côté leur Rachid. C'est les histoires et si je reviens c'est pour casser la machine. Un secret, si si, un message précis. J'ai des clips en piscine qui tombent jusqu'en Cécile. On se fait petit, mais si, je vous laisse à en jacter. Chacun ses griffes, dans je métier, tu en verras gratter. Rap et tu te rends têtu, je joue un rôle battu. Plus je t'écoute et j'en peux plus, en pleine période récup. Allez, celle-ci, t'éduque, et vas-y, lâche l'oreille. Lève-toi et montre-leur comment travaille l'élève. Fais ta vie et mêle-toi seulement de ce qui te regarde. Tu tomberas, mais y'aura personne comme Spider-Man. Fin de mois, difficile, problème invisible. Paye une facture, mais demain tu en as 10 qui arrivent. C'est la vie, et c'est ainsi, et près des étincelles. Toujours les pieds sur terre, même quand je monte sur scène. Si t'as un truc, va le faire, n'aie pas peur de la perte. De façon, RL a gagné, vas-y, fonce, tu vas perdre. Non, y'a pas de raquette, ni vendeur de lamelles. On connaît tous un gars qui veut le casting de la haine. Les parkings à Hamar et les discours pareil. Avoir un flingue, c'est vicieux, mais ce que tirer, c'est malin. T'en sais rien, ce que tu prends, n'a rien des messagers. Les seules fois que tu progresses, c'est quand tu t'es téléchargé. La barre est surchargée, toutes tes notes sont fausses. Pendant que tu t'inventes une vie uniquement sur Firefox. De 1, je fais un boucan. De 2, je fais ce derrière un perle. Le 3, je le fais tout le temps, mais je n'ai jamais tué quelqu'un. À 4, parce que ça date, chaque histoire a sa raison. Ouais, grâce au hip-hop, j'ai pas fondé une maison. Maître de cérémonie, artisan à chaque saison. J'ai sorti 3 albums pour 1000 liaisons. Le groupe, c'est les grandes gueules et on aime le silence. Big up à Pone, hein, et à la planète Mars. Yes I, freestyle, demi-portion. C'est ça, cherche pas à comprendre.